Ça se passe au paradis, devant le tribunal de Dieu. Au banc des accusés, il y a Hitler et Napoléon. Il reste encore une place pour Nixon, mais il vit encore. On le jugera par contumace en attendant qu'il trouve la mort. L'avocat général a commencé le réquisitoire. Vous êtes accusé d'avoir supprimé des millions d'hommes. Vous auriez pu à la place employer le référendum. Suivez bien mon regard car je ne veux nommer personne. Et puis toutes les victimes ont défilé devant la barre. Il y avait des juifs, des slaves, des vietnamiens et des grognards. Des américains, noirs et blancs, des communistes et des fascistes, ils ont tous répondu pareil, c'est un enfer qu'on doit les mettre. L'avocat de la défense, qui était aussi marchand de canons, a dit que c'est le manque de chance qui avait perdu ses clients, car s'ils avaient réussi à imposer leur projet, ils seraient maintenant acclamés par tous leurs sujets. Les anges qui étaient jurés se sont mis à délibérer. Ils ont dit que ce qu'avait fait Hitler, Nixon, Napoléon était comparable à l'effet produit par la pilule, supprimer l'être humain adulte sous forme d'ovule. Si vous avez un jour la chance d'aller au paradis, vous les rencontrerez, je crois, ils n'ont pas trop vieilli. Au bénéfice du doute, tous trois ont été acquittés, ce qui prouve qu'au ciel encore, il reste un peu de moralité.